أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation de gré le plus complet, le plus parfait, soit accordé à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nabiullahi Adam, alayhi salat wa salam. Le prophète de Allah, Adam, alayhi salat wa salam. Qala Allahu ta'ala, Inna Allah astafa Adam wa Nuham wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Surat Ali Imran. De cette ayah, nous comprenons que Allah Ta'ala a accordé à Adam et à Nuh et à Ibrahim le statut de la prophétie. Sayyiduna Adam alayhi salam huwa Abu al-Bashari wa awwalu insanin khalaqahu Allah Ta'ala. Fa huwa awwalu an-naw' al-bashari alladhi faddalahu Allah 'ala sa'iri anwa' al-makhluqat. Fa huwa afdalu min an-naw' al-malaki wa afdalu min an-naw' al-jinni. Notre maître Adam alayhi salam est le père des humains et c'est le premier homme que Allah a créé. Et le genre humain, c'est le meilleur des genres. Allah Ta'ala a accordé au genre humain la supériorité sur les autres créatures. Donc il est mieux que le genre des anges, le genre des djinns. Bien sûr, ceci de façon générale. Car dans les humains, il y a les prophètes, qui sont les meilleurs des créatures. Mais en détail, bien sûr, le croyant reste mieux que le mécréant. Et les anges, eux, sont tous des croyants, sont tous des musulmans. Et les humains, parmi eux, il y a des mécréants, et il y a des croyants, des musulmans. « Wa kana khalquhu alayhi salam fil jannati akhira sa'ati min yawmi al-jumu'ati min ayami sitti » من الأيام الست التي خلق الله فيها السماوات والأرض كما جاء في حديث مسلم روى مسلم وغيره أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم. Donc آدم عليه السلام a été créé au paradis le dernier jour, la fin du jour du vendredi. Donc, il est le dernier des six jours que nous avons mentionnés. Donc, nous avions dit que Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux dans six jours. Et ceci pour nous enseigner de faire les choses par étapes, alors que Allah Subhanahu wa Ta'ala est tout puissant. Il peut créer ce monde en un instant. Donc, dans les deux premiers jours, nous avions dit, à savoir le dimanche et le lundi, Dieu a créé la terre. Dans les deux jours suivants, à savoir le mardi et le mercredi, Dieu a créé les sept cieux. Et les deux derniers jours, à savoir le jeudi et le vendredi, Allah a créé les commodités de la terre, comme rivières, montagnes, etc. Et Adam a été créé la fin du jour du vendredi. Muslim et d'autres ont rapporté, d'après Abu Hurairah, que Allah l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Khayru yawmin tala'at fihi shamsu yawmul jumu'ati fihi khuliqa Adam » qui signifie « le meilleur des jours » dans lequel le soleil s'est levé et le jour du vendredi, en ce jour, a été créé Adam. Sha'Allah subhanahu wa ta'ala, bimashi'atihi al-azaliyati allati la tatabaddal wa la tatagayyar, wujuda Adam alayhi salam, fa'abrazahu biqudratihi min al-adam ila al-wujud. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, de toute éternité, donc par sa volonté éternelle qui ne change pas, qui est exempt des débuts. Donc il a voulu l'existence de Adam alayhi salam. Donc il l'a fait exister, il l'a fait passer du néant à l'existence. فقد أمر الله تعالى ملكا من ملائكته الكرام أن يأخذ من جميع أنواع تراب الأرض التي نعيش عليها ليخلق منه آدم عليه السلام. Ainsi, Allah Ta'ala a ordonné à un des anges honorés de prendre de toutes les sortes de la terre, de cette terre-ci sur laquelle nous vivons, pour que Adam soit créé avec cela. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض قبضة من الأرض من أبيضها وأسودها وما بين ذلك ومن طيبها ورديئها وما بين ذلك فجاء ذرية آدم على قدر ذلك رواه ابن حبان وغيره وعند أحمد فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك والسهل والحزن وما بين ذلك والخبيث والطيب وما بين ذلك أي جاءت أحوال وألوان ذرية آدم عليه السلام مختلفة بسبب هذا التراب الذي خلق منه آدم عليه السلام. Donc le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit, ce qui signifie, donc le hadith, la signification du hadith, que Dieu a ordonné à un ange. Inna Allah qabadha qabdatan min al-ardi, ay amara malakan. Wa hadha tafsiru al-hadith. Donc la signification du hadith, que Dieu a ordonné à un ange de prendre donc de la terre, de cette terre-ci, de la blanche, de la noire, et ce qu'il y a entre les deux, de la bonne et de la mauvaise, et ce qu'il y a entre eux. Ainsi, les descendants de Adam sont venus proportionnellement à cela. Donc rapporté par Ibn Hibban et autres que lui. Et la version de Ahmad, et selon la version de Ahmad, donc, elle signifie, et donc les fils de Adam sont venus donc proportionnellement donc à cela, à la terre. Il y a parmi eux le blanc et le noir, et ce qu'il y a entre les deux, et le doux et le dur, et ce qu'il y a entre les deux, et le bon et le mauvais, et ce qu'il y a entre eux. Donc c'est-à-dire que les états et les couleurs des fils de Adam, alayhi salam, sont advenus donc différentes pour cause, à cause de cette terre différente, mélangée, de laquelle a été créé Adam, alayhi salam. فائدة قيل سمي آدم بهذا الاسم لأنه من أديم الأرض أي من وجه الأرض. Donc remarque, il a été dit que Adam a été appelé Adam parce qu'il vient donc la surface, donc c'est son origine, donc c'est la surface de la terre. On dit en arabe أديم الأرض. أديم الأرض. معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. يجوز أن يكون معنى هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم الأصلية التي خلقها خلقه الله عليها طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع فيكون الضمير في صورته عائدا إلى آدم عليه السلام ويجوز أن يكون الضمير في صورته عائدا إلى الله فيكون التقدير على الصورة التي خلقها الله وجعله مشرفة مكرمة وتسمى هذه الإضافة إضافة الملك والتشريف لا إضافة الجزئية كإضافة الكعبة إلى نفسه كقول الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي لأن الله سبحانه لا يوصف بالجسمية والجزئية فليس هو أصلا لشيء ولا هو فرعا عن شيء ولا يتحيز في جهة ومكان لأن التحيز للجسم اللطيف والكثيف. Donc nous allons citer l'explication d'un hadith. إن الله خلق آدم على صورته. Donc il y a deux interprétations selon les savants de l'islam. Donc inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Donc ainsi le hadith donc veut dire, première explication des savants, que Allah a créé Adam sur l'image que Adam avait adulte. Donc suratihi, donc le pronom ici rattaché revient à Adam, son image, l'image de Adam que Adam avait grand, c'est-à-dire il n'a pas été créé petit ensuite il a grandi, non. Il a été créé tout de suite sur l'image adulte. Et il y a une autre explication, suratihi, ici pronom rattaché, c'est-à-dire l'image qui appartient à Allah, la forme qui appartient à Allah et qui est honorée par Allah, qu'on appelle donc idafatut tashrif, c'est-à-dire l'attribution d'honorification, c'est-à-dire que Allah s'attribue cette forme et cette image à lui dans le sens que ça lui appartient et qu'elle est honorée par lui. Comme il s'est attribué la Kaaba dans le sens qu'elle lui appartient et qu'elle est honorée par lui, comme dans l'aya où la parole donc est adressée à Ibrahim et Ismaïl. An tahira baytiya. Bayti, ici, donc. Il y a un pronom rattaché, donc qui revient à Allah dans le sens, cette Kaaba appartient à Allah, qu'on dit Baytullah. C'est-à-dire, cet endroit est honoré par Allah et appartient à Allah Ta'ala. Et ne veut pas dire, dans tous les cas, dans tout cela, cela ne veut pas dire la partition attribuée à Dieu la partie, car Allah Subhanahu wa Ta'ala n'est pas attribué par le corps et ni la partition. Donc, il n'est pas, lui, une origine pour autre que lui, ni une partie d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala, et il n'est pas attribué de la localisation dans la direction ni dans l'endroit, car la localisation est pour le corps, qu'il soit palpable ou impalpable, et Dieu est exempt de cela, subhanahu wa ta'ala, et attribuer cela à Dieu et de la mécréance. الخلقة التي خلق عليها سيدنا آدم عليه السلام. خلق الله سيدنا آدم عليه السلام جميل الشكل والصورة وحسن الصوت، لأن جميع الأنبياء الذين بعثهم الله لهداية الناس كانوا على صورة جميلة وشكل حسن، وكذلك كانوا جميل الصوت. قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. Allah Ta'ala a créé notre maître Adam alayhi salam avec une belle apparence, une belle image et une belle voix, car tous les prophètes que Allah Ta'ala a envoyé pour guider les gens. Donc tous avaient une belle image et une belle voix, une belle apparence. Ainsi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ma ba'ath Allah nabiyan illa hasan al-wajhi hasan al-sawti wa inna nabiyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sawta. Qui signifie, certes, Dieu a envoyé les prophètes, tous avec un beau visage et une belle voix, et certes, votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. وَلَقَدْ كَانَ طُولُ سَيِّدِنَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ 60 ذِرَاعًا وَكَانَ وَافِرَ الشَّعْرِ شَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الطول بالنخلة السحوق. Donc ainsi, ce hadith nous montre que les prophètes leur est impossible les maladies qui repoussent les gens, parce que Dieu les a envoyés pour appeler les gens à la vérité et non pas pour faire fuir les gens. Donc il ne leur arrive pas des maladies repoussantes. Donc c'est faux ce que disent certains qui prétendent à tort qu'un des prophètes, à savoir Ayoub, il lui sortait des vers de son corps et qu'il les remettait en leur disant « Mangez de ce que Dieu vous a donné ». Ceci n'est pas digne des prophètes. et attribuer cela au prophète est de la mécréance. إذن هذا الحديث دليل أنه غير صحيح ما يقوله بعض الناس زورا وكذبا أن سيدنا أيوب عليه السلام كان يخرج منه الدود ثم يعيده ويقول كولي مما رزقك الله، هذا كذب لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث، ونسبة ذلك للأنبياء كفر وضلال، لأن هذا لا يليق بالأنبياء. Donc, les prophètes, c'est possible qu'ils tombent malades, des maladies douloureuses, mais pas les maladies qui repoussent les gens. Donc, ceci n'est pas digne des prophètes. Notre maître Adam alayhi salam avait une longueur de 60 coudées sur 7 coudées de large. 60 coudées vaut environ 27 mètres. Et il avait donc des longs cheveux. فَلَمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ قال اذهب فسلم على أولئك أي نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله. Donc Adam, quand il a été créé, Allah Ta'ala lui a ordonné d'aller passer le salam à un groupe d'anges assis et d'écouter ce qu'ils vont lui répondre comme salutation et que cela sera sa salutation et la salutation de sa descendance. Ainsi Adam a dit au groupe d'anges « Assalamu alaykum ». Ils lui ont dit Assalamu alayka wa rahmatullah. Donc ils ont rajouté wa rahmatullah. Wa kullu man yadkhulu al-jannata yakunu ala surati Adam fi at-tul. Faqad warada fi musnad al-Imam Ahmad bi isnad hasan an Abi Hurayrata an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ahla al-jannati yadkhuluna al-jannata على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. Et chacun qui va entrer au paradis, il aura la taille de Adam. Donc, la taille de Adam, à savoir 60 coudées de haut sur 7 coudées de large. Donc, ceci conformément au hadith rapporté donc dans le Musnad de l'imam Ahmad avec une bonne chaîne de transmission d'après Abu Huraira, d'après donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens du paradis auront la taille de Adam, à savoir 60 coudées de haut sur 7 coudées de large. Fa'idatun rawa al-imam Ahmad an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. إن الله عز وجل لما صور آدم تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك وعند أبي يعلى فكان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم. Donc remarque, l'imam Ahmad a rapporté d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Iblis, donc, est venu, parce que Iblis avant était musulman, c'est un djinn, lui, ce n'est pas un ange, il vivait au paradis. Donc, quand il a vu Adam, donc, il s'est mis à tourner autour de lui. Et il disait que, certes, tu as été créé pour une chose imminente. Donc, et Iblis, il a donc remarqué que Adam, il avait un intérieur, en fait, creux, non rempli. Donc il a su de cela que Iblis, que Adam est plus faible en fait que les anges et que les choses inertes. ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أن إبليس كان في الجنة لما خلق آدم وذلك قبل أن يكفر لأنه كان مسلما يتعبد مع الملائكة ولم يكن منهم من حيث الجنس والأصل. لأن الملائكة أصلهم النور وإبليس أصلهم المارج من نار أي لهب النار. Donc dans ce hadith sahih, Il y a une preuve que Iblis était au paradis quand Adam a été créé, et ceci avant de devenir mécréant, parce que avant il était musulman, il adorait Allah avec les anges, mais il ne faisait pas partie des anges du point de vue du genre, et ni de l'origine, parce que les anges sont d'origine de la lumière, sont créés à partir de la lumière, et Iblis est son origine à partir de du feu. Donc elle a été créée à partir du feu. وفيه أن إبليس كان يدور حول هيكل آدم وذلك قبل أن ينفخ فيه الروح فرآه أجوف أي شيئا غير مصمت بل له جوف فعرف أنه خلق لا يتمالك أي ليس كالملائكة ولا كالجمادات بل هو أضعف من ذلك. Et dans ce hadith, il y a la preuve que Iblis tournait autour de la forme de Adam, et ceci avant que l'âme ne soit insufflée en Adam. Et il a vu qu'il était, que c'était quelque chose qui avait un creux. C'était pas rempli de l'intérieur, mais il avait donc un intérieur vide. Donc il a su que c'est une créature plus faible que les anges et les choses inertes. ومن الكذب الظاهر ما شاع من نظرية ابتدعها بعض الكفار وهم يقولون أن أصل البشر قرد أو يشبه القرد وهذا فيه تكذيب لقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هو أول إنسان خلقه الله تبارك وتعالى لم يكن أصله قردا ثم ترقى حتى صار إنسانا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فنظرية داروين التي تقول إن الإنسان أصله قرد ثم ترقى بسبب العوامل المجهولة حتى صار هذا الإنسان هي نظرية باطلة لا تقوم على أساس علمي وتردها دلائل النقل وإن تلقفها المفتنون بكل جديد ولو كان سخيفا باطلا. Et parmi les mensonges clairs qui sont propagés, une théorie qu'ont innovée certains mécréants, donc qui disent à tort que l'origine de l'être humain est le singe ou ressemble au singe, et ceci est de la mécréance et comporte un démenti de sa parole Ta'ala dans Surat At-Tin, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم, Aya 4, qui signifie donc que Dieu a créé l'être humain avec une belle apparence. Ainsi, notre maître Adam, alayhi salat wa salam, est le premier humain que Allah a créé, et son origine n'est pas le singe qui se serait donc évolué jusqu'à devenir humain. Ceci est pur mensonge. Ainsi, la théorie de Darwin, qui dit que l'être humain est son origine le singe, ensuite qu'il s'est développé avec des causes donc inconnues jusqu'à devenir cet être humain, ceci, donc c'est une théorie fausse qui n'a aucun fondement scientifique et qui contredit les textes rapportés donc du Coran et du Hadith. Même si certains la propagent, donc elle est donc fausse, elle n'a aucun fondement. Et dire cela et prétendre cela, même en plaisantant, ceci est de la mécréance. ذكر إخراج أرواح ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق. روى النسائي وأحمد وابن جرير والحاكم في المستدرك بالإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Donc النسائي أحمد ابن جرير الحاكم donc الحاكم dans son مستدرك avec chaîne de transmission d'après Abdullah, fils de Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, donc qui est le cousin du prophète. Donc d'après le prophète, donc ils ont rapporté le hadith Inna Allah akhadha al-mithaqa min dhahri Adam alayhi salam. Donc qui signifie Allah Ta'ala a pris le pacte le jour de Arafah de la descendance de Adam. Donc il les a fait sortir du dos de Adam avec une petite forme, donc tous les descendants de Adam, et il leur a dit Alastu bi rabbikum, qui signifie ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala shahidna. Tous, ils ont reconnu, ils ont dit si, ils ont reconnu cela. Donc tous, et ils ont reconnu cela. Et cela, donc, est la signification du hadith Ayu mawloudin yuladu ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi ou yunassiranihi ou yumajjisanihi. Qui signifie tout nouveau-né et né sur la prédisposition, c'est-à-dire la prédisposition à accepter l'islam, selon le pacte qu'il a pris, c'est-à-dire et tous ils ont reconnu la divinité Allah Ta'ala le jour de Arafah, où Allah a fait sortir tous les descendants d'Adam et leur a donné la forme de petite image, petite forme, ils ont reconnu que Dieu est leur Seigneur. Donc tout nouveau-né est né sur cette prédisposition à accepter l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il naît, il connaît les détails de l'islam et la foi, mais à accepter l'islam, et puis c'est ses parents qui vont lui enseigner la mécréance, qui veut devenir mécréant, ou il va donc grandir musulman si ses parents donc lui enseignent l'islam. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن شعبة عن أبي عمران عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به قال فيقول نعم فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. Donc l'imam Ahmad a rapporté dans son musnad avec chaîne de transmission d'après Shu'ba, d'après Abu Umran, d'après Anas, fils de Malik, qui est le serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète qu'il a dit. Ce qui signifie, il sera dit à l'homme parmi les gens de l'enfer le jour dernier, si tu possédais tout ce qu'il y a sur terre, est-ce que tu l'aurais donné en compensation pour éviter l'enfer? Il dira oui. Et il lui sera dit, c'est-à-dire Allah Ta'ala lui dit ce qui signifie, j'ai voulu de toi ce qui est moins que cela, plus facile que cela. J'ai pris le pacte sur toi, c'est-à-dire le jour de Arafah, quand tu as fait sortir du dos de Adam ses descendants, donc de ne m'associer personne, mais tu y as refusé, c'est-à-dire après cela tu as associé. Et il a été rapporté aussi par Al-Bukhari et Muslim. فهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهره كالذر ثم استنطقهم وأخذ عليهم العهد وأشهد عليهم أنفسهم. Donc ces hadiths toutes indiquent que Allah Ta'ala a fait sortir les descendants de Adam du dos de Adam et qu'il les a fait prononcer et il a pris sur eux le pacte. خلق حواء عليها السلام. خلق الله تعالى سيدتنا حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان ولأم مكانه لحما قيل لذلك سميت حواء بهذا الاسم لأنها خلقت من شيء حي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء الحديثة. La création de Hawa alayhi salam. Allah Ta'ala a créé Notre-Dame Hawa de la côte gauche de Adam, la plus courte, comme cela a été rapporté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a été dit, c'est pour cela qu'elle a été appelée Hawa avec ce nom-là, parce qu'elle a été créée de quelque chose de vivant Hay. Hay, elle a été appelée Hawa. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira, donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie « Recommandez-vous le bien envers les femmes, car certes la femme a été créée d'une côte, et la chose la plus tordue dans la côte est sa partie supérieure. Si tu vas le redresser, tu vas le casser, et si tu le laisses ainsi, il va rester tordu. Recommandez-vous le bien envers les femmes » jusqu'à la fin du hadith. ولم يخلق الله تبارك وتعالى حواء طفلة صغيرة ثم طورها إلى الكبر، بل خلقها على هيئتها التي كانت عليها كبيرة طويلة مناسبة لطول آدم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سورة النساء. الله سبحانه وتعالى n'a pas créé Hawa petite qui a grandi par la suite. Non, mais il a créé directement grande sur la forme et la taille qu'elle avait adulte, ayant une taille correspondant à la taille de Adam alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, qui signifie: ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne. De cette personne, il a créé son épouse, c'est-à-dire a créé de Adam son épouse Hawa, et de ces deux, il a créé beaucoup d'hommes et de femmes. وقال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقد زوج الله تعالى آدم وحواء وقد زوج الله تعالى آدم حواء وجعلها له حلالا في الجنة ثم كان كذلك في الأرض. Donc Allah Ta'ala dit ce qui signifie: il est celui qui vous a créé à partir d'une seule personne, et il a créé de cette personne son épouse. Et Allah Ta'ala a donné Hawa comme épouse à Adam. Donc il a fait qu'il soit marié, qu'elle lui soit licite au paradis, et cela était ainsi sur terre. سجود الملائكة لآدم واعتراض إبليس وعدم سجوده وطرده من الجنة. أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، فامتثل الملائكة لأمر الله وسجدوا كلهم، لأن الملائكة كما وصفهم الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salam par salutation et respect. Donc les anges ont accompli l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala tous, car les anges, comme Allah les a décrits dans le Coran, ce qui signifie: ils ne désobéissent pas Allah en ce qu'il leur ordonne, et ils font ce qu'il leur est ordonné. Surat At-Tahrim. وَأَمَّا إِبْلِيسُ فَقَدْ إِسْتَكْبَرَ وَاعْتَرَضَ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ يَمْتَثِلْ لِأَمْرِهِ وَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقَتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِينٍ فكفر وظهر منه ما قد سبق في علم الله تعالى ومشيئته من كفره واعتراضه باختياره وقد ورد في الأثر أنه قبل كفره يسمى عزازيل. Donc les anges, ils ont fait ce que Dieu leur a ordonné, mais Iblis, lui qui n'était pas un ange, mais qu'il était parmi eux, donc il vivait parmi eux, donc il a fait preuve d'orgueil, et il s'est révolté contre l'ordre de Dieu. Et il n'a pas accompli l'ordre de Dieu. Et il a dit ce qui est rapporté dans le Coran à son sujet. Il a dit: Ana khayrun minhu Donc il a dit, je suis mieux que lui, tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Donc il est devenu mécréant et il est apparu donc sur lui ce que Dieu sait de toute éternité et ce que Dieu a voulu a prédestiné de toute éternité, car c'est Dieu qui a prédestiné tout cela. Car c'est Dieu qui guide qui veut et égare qui veut. Donc Dieu dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun, qui signifie Allah vous a créé ce que vous faites. C'est-à-dire la pensée, la volonté, le penchement vers le bien et vers le mal, tout ceci est créé par Dieu. Et Allah dit dans le Coran, Walau shi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqa al-qawlu minni, la'amla'anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in. Dieu nous apprend ce qui signifie, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde à la fois, mais Dieu n'a pas voulu, donc il a voulu que certains aillent en enfer et d'autres au paradis. Dieu fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et les esclaves, eux, seront interrogés. Donc ainsi, Dieu guide qui veut et égare qui veut. C'est Dieu qui crée la volonté, le penchement vers le bien ou vers le mal, et les actes du bien et les actes du mal. Sauf que Dieu récompense le bien, il ne récompense pas le mal, et Dieu n'a pas de compte à rendre. Dieu est le créateur de toutes choses et celui qui prédestine toutes choses. Donc il a été rapporté que avant de devenir mécréant, donc Iblis avant, il s'appelait Azazil. وروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. Donc, Muslim et d'autres ont rapporté, d'après le hadith de Abu Huraira, que Allah l'agréé, qu'il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand le fils de Adam, c'est-à-dire le croyant, récite le as-sajda, c'est-à-dire il y a des passages du Coran où il est recommandé de se prosterner après avoir lu cela, comme fasjud waqtarib, donc, quand le fils de Adam récite As-Sajda et qui se prosterne, le shaitan s'isole, il pleure, il dit « Malheur à moi, le fils de Adam a été ordonné de se prosterner, et il s'est prosterné et il a le paradis, et j'ai été ordonné par la prosternation et j'ai refusé, j'ai l'enfer. » طلب من الله أن ينظره أن يؤخره إلى يوم البعث أي يوم الخروج من القبور ولكن الله لم يجبه إلى ذلك بل أخره إلى النفخة الأولى ليذوق الموت الذي حكم الله به على خلقه قال تعالى مخبرا عن قول إبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. Donc ensuite, après que Iblis a su qu'il est maudit, il a demandé à Dieu de le retarder jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'à la résurrection, c'est-à-dire la sortie des gens de leur tombe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas accordé cela, mais il l'a retardé jusqu'au premier soufflement dans le corps. C'est-à-dire pour mourir, pour qu'il goûte à la mort que Allah a voulu, a prédestiné pour ses créatures. ومعنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي إلى زمن نفخة الإهلاك وهي نفخة إسرافيل في البوق فيموت كل حي من الإنس والجن من هول ذلك الصوت. Donc la signification de sa parole تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. Donc, c'est-à-dire, toute chose sera anéantie sauf la souveraineté de Dieu. Illa wajah ay illa mulkah. Comme a dit al-Bukhari. Donc, c'est l'interprétation de al-Bukhari. C'est-à-dire, c'est le moment du premier soufflement, en fait, sur le corps, dans le corps, par Israfil. Tellement il est terrible ce son-là. Donc, toute personne vivante, humain et djinn, va mourir. Alhamdulillah Rabbil Alameen.